Le comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée a publié le 20 la lettre verte. En voici le résumé. Au 7e congrès du Parti du Travail de Corée, notre grand homme sans égal a présenté les idées et lignes empreintes de l'amour ardent pour la patrie, la nation et le peuple, en vue de faire disparaître les souffrances tragiques des compatriotes dues à la division et à la confrontation, et de réaliser la réunification indépendante et pacifique, ce qui bouleverse le monde. Mais les autorités sud-coréennes, sans réfléchir profondément à notre appel sincère et audacieux, le refusent à l'aveuglette en désespérant tous les compatriotes. Le projet de régler par dialogue et négociation tous les problèmes nécessaires à la paix et à la sécurité dans la péninsule coréenne, question vitale directement liée au sort de toute la nation coréenne, traduit l'attitude et la position des plus sincères. Surtout, si la communication entre les autorités militaires nord-sud est coupée court, comme à présent, et que la situation de guerre continue en braquant les armes les uns contre les autres, il est impossible de prévenir les conflits armés imprévus et l'éclatement d'une guerre totale qui en découle. Voilà la réalité rigoureuse d'aujourd'hui. Suivant le noble dessein patriotique du grand homme sans égal et le grand programme de réunification du pays, et pour surmonter l'actuelle situation catastrophique dans les rapports nord-sud, par dialogue et négociation, le comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée exige solennellement des autorités sud-coréennes de répondre sans tarder à notre projet invitant à ouvrir ensemble la voie pour interrompre tous les actes hostiles, obstacle principal incitant la méfiance et la confrontation nord-sud et empêchant l'amélioration des rapports et assurer la confiance militaire. Tous les actes hostiles de toute forme suscitant et calomniant l'adversaire, notamment la radiodiffusion de la guerre psychologique et le lancement des tracts aux alentours de la première ligne du front, ne sont point en dehors de la responsabilité des autorités militaires de deux parties. Les autorités sud-coréennes doivent savoir correctement que l'on ne peut garantir l'issue des rapports nord-sud que par dialogue et négociation. Les autorités sud-coréennes doivent accepter positivement notre projet sur l'ouverture prompte du dialogue bilatéral des autorités militaires pour régler tous les problèmes posés dans la détente de la tension militaire dans la péninsule coréenne et l'amélioration des rapports intercoréens. Elles doivent savoir que si elles ont la volonté d'améliorer les actuels rapports nord-sud, elles n'ont aucune raison ni prétexte de le refuser. Elles doivent satisfaire la grande attente de toute nation par l'accord sincère aux vaillantes mesures pratiques conformes à la paix du pays et à la sécurité de la nation. Il faut que le Nord et le Sud dissoudent les mains dans les mains la tension militaire et les dangers de conflit dans la péninsule coréenne afin de faire un grand pas à ouvrir une nouvelle page dans l'amélioration des rapports et le mouvement réunificateur de la patrie. Les autorités sud-coréennes ne doivent pas se tromper de notre sincérité ardente et de notre générosité et doivent se conduire sagement en tant que membres de la nation. Toute la nation verra sous peu nos vaillantes mesures pratiques pour dissoudre la confrontation et les dangers de guerre dans la péninsule coréenne et réaliser la cause sacrée de l'unité nationale, vœu suprême de notre nation.